France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. C'est certainement le spectacle qui m'a le plus impressionné cette saison à Broadway. Et pourtant, le décor est quasiment inexistant, juste des tentures rouges qui encadrent l'intérieur du théâtre. Une vingtaine de comédiens dans de magnifiques costumes de la Russie du 19e siècle vous frôlent, peu importe où vous êtes assis, sur scène ou dans les gradins. Tout comme la trentaine de musiciens, pas du tout figés dans une fosse d'orchestre, mais debout, pareil, et en mouvement. Ils racontent une histoire d'amour issue du roman fleuve de Léon Tolstoï, Guerre et paix. Le titre de ce spectacle, c'est The Great Comet, la Grande Comète. Un spectacle qui a reçu cette année le plus de nominations aux Tony Awards, les Oscars du théâtre américain, nommé meilleure comédie musicale de la saison, nommé parmi les meilleurs compositeurs ou parmi les meilleurs metteurs en scène. Et l'œuvre, c'est vrai, renouvelle le genre de la comédie musicale avec un compositeur touche-à-tout qui propose une musique à la fois moderne et ancienne. Ce matin, la 42e rue, le rendez-vous des amoureux de la comédie musicale sur France Musique, tous les dimanches matins, continue de vous raconter la saison à Broadway avec ceux qui l'ont fait. Et ce matin, nous rencontrons le compositeur de The Great Comet qui n'a pas peur maintenant de s'attaquer à l'adaptation de Moby Dick. Hello, hello, check, check, check, one, two, one, two, check, check, check, hello, hello. Bonjour, Dave Malloy. Bonjour, hello. Rastafari. Maria Dmitrievna Akrosimova. Countess Natalia Ilinichna Rostova. You must call me Natasha. Maria Dmitrievna Akrosimova. Sofia Alexandrovna Rostova. You must call me Sonia. Welcome, welcome to Moscow, where faded and fading princesses live. I'll take you where you must go. You a bit, and I'll scold you a bit, my goddaughter, my favorite Natasha. I will touch you on the cheek. My cousin and I are so pleased to be with you while we wait on our fiancés fighting in the war. Bring in their things, we dawdling, forget the samovar. Ready your hat. And I'm sure bring some rum for the tea. So Muska bonjour, and Natasha, my darling, grown plumper and prettier. My cheeks are glowing from the cold, she said, gazing at Maria with kind, glittering eyes. Welcome, welcome to Moscow, scruffy and cozy like an old dressing gown. Countess Natalia, Sofia Alexandrovna, how beautiful you looked in the snow. Cousin dear, I love you, trust no one but you. But I can't bear this waiting, I cry and I cry. Andrei, where are you? I want him now at once, to embrace him and cling to him. No one can understand. I love him, I know him, he loves me only. He'll come home one day and take me away. I want nothing more. I want nothing more. First thing tomorrow to Madame Chambord's. Dresses, dresses, we'll buy what we can afford. then dinner and a game of Boston. Then you'll read to me while I knit. How wonderful to have you here instead of these gossips and crybabies. You'll take us where we must go, let us a bit and scold us a bit. Her goddaughter, her favorite Natasha, she will touch you on the cheek. Well, now we'll talk. I congratulate you and Andre, you've hooked a fine fellow. One of the finest matches in all of Russia. I am glad and relieved, he'll be the family saving grace. I blush happily that his father, Prince Bolkonsky, much dislikes his son's marrying the old fellow's crotchety. Of course, Prince Andrei's not a child, but it's not nice to enter a family against a father's will. One wants to do it peacefully and lovingly, but you're a clever girl. Just be kind to Andrei's sister, and when the sister loves you, so will the father, and all will be well. Bienvenue à Moscou, un titre qui nous plonge dès le départ dans le grand froid. Extrait de The Great Comet, cette comédie musicale immersive actuellement à l'affiche à Broadway, inspirée donc de Guerre et Paix, le roman fleuve de Léon Tolstoï, situé durant les guerres napoléoniennes à la fin du 19e siècle. Une comédie musicale imaginée, jouée, composée par Dave Malloy, un jeune homme de 41 ans, également accordéoniste, né à Cleveland dans l'Ohio et qui aujourd'hui habite à Brooklyn, tout près de New York. Je l'ai rencontré là-bas, à New York, et je lui ai demandé d'abord, tout simplement, comment lui était venue cette idée folle d'adapter Guerre et Paix en comédie musicale, et en particulier, je crois, un segment de 70 pages au centre de l'œuvre. C'est quand j'ai lu le roman pour la première fois, j'étais emballé par ce passage en particulier. C'est le passage de 70 pages en plein milieu du roman. Et c'est un passage très important pour Natacha et Pierre. Et la première fois que j'ai lu le roman, je suis arrivé au bout de ce passage de 70 pages et je pleurais, j'étais tellement ému. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, il faut en faire une comédie musicale. J'entendais pratiquement la musique. Et donc, j'ai voulu savoir si quelqu'un d'autre s'était lancé dans ce projet, parce que ça me semblait tellement évident. Alors, il y avait des gens qui avaient fait des opéras, mais personne n'avait fait de comédie musicale sur ce passage-là. Il y a deux histoires en parallèle. Il y a l'histoire de Natacha. Natacha est fiancée à André. C'est un formidable fiancé, mais il est parti à la guerre. Donc, elle l'attend à la maison. Elle intègre la société moscovite et, évidemment, elle tombe amoureuse de Anatole, qui n'est pas du tout de la même classe sociale, et donc ça lui pose un dilemme. Et en même temps, il y a l'autre personnage, Pierre, un petit peu plus âgé, qui lui est en pleine crise existentielle. Il en est à la moitié de sa vie, il boit beaucoup, il lit de la philosophie, des textes religieux, et il essaye de comprendre le monde autour de lui et comment il doit s'intégrer à la société. C'est un personnage déstabilisé, quelqu'un qui est mal à l'aise, moi en quelque sorte. Donc voilà les deux histoires en parallèle, et ce n'est qu'à la fin du spectacle qu'il y a la convergence des deux histoires. Natacha et Pierre partagent ce moment à la fin, après avoir connu cet événement cataclysmique. Donc il y a cette structure avec ces deux récits parallèles qui m'intéressaient. Alors d'une part, il y a une histoire romantique d'amour, un peu thriller, et puis évidemment, il y a le côté plus philosophique et existentiel. Et tout ça, pour moi, c'est l'évidence pour une comédie musicale. Is this how I die? Ridiculed and laughed at, wearing clown shoes. Is this how I die? Furious and reckless, sick with booze. How did I live? I taste every wasted minute, every time I turned away from the things that might have healed me. How long have I been sleeping? Is this how I die? Frightened like a child, lazy and numb. Is this how I die? Pretending and preposterous and dumb. How did I live? Was I kind enough and good enough? Did I love enough? Did I ever look up and see the moon and the stars in the sky? Oh, why have I been sleeping? They say we are asleep until we fall in love. We are children of dust and ashes. But when we fall in love, we wake up and we are a god and angels. We. But if I die here tonight, I die in my sleep. All of my life I spent searching the words of poets and saints and prophets and kings. And now at the end, all I know that I've learned is that all that I know is I don't know a thing. So easy to close off, place the blame outside. Hiding in my room at night, so terrified. All the things I could have been, but I never had the nerve. Life and love, I don't. Why am I screaming? Why am I shaking? Oh God, was there something that I missed? Did I squander my divinity? Was happiness within me the whole time? They say we are asleep until we fall in love. We are children of dust and ashes. But when we fall in love, we wake up and we are a god and angels. We. But if I die here tonight, I die in my sleep. They say we are asleep until we fall. God, don't let me die. solo existentiel de Pierre dans The Great Comet, cette comédie musicale inspirée par Guerre et paix de Tolstoï, et une chanson qui s'intitule Poussière et cendres, Dust and Ashes, interprétée par Josh Groban dans le tout nouvel enregistrement de The Great Comet que vous découvrez certainement ce matin sur France Musique et qui vient de paraître. Ce matin, je vous propose donc de rencontrer un compositeur, auteur aussi des paroles, dont c'est la première œuvre à Broadway, Dave Malloy. Et alors, Dave Malloy, comment choisir le style musical pour adapter Guerre et paix en comédie musicale? Obviously, as this is a Russian show, like I was listening to a lot of Russian. Donc, on est en Russie. Donc, il faut de la musique traditionnelle et de la musique classique russe, mais aussi du rock russe. Donc, j'ai beaucoup écouté cela. Et par ailleurs, il y a dans ce passage quelque chose qui se prête bien à la musique électronique. Il y a le personnage d'Anatole qui, lui, séduit Natasha. Et là, donc, il électrise les choses. Et c'est là qu'on entend la musique électronique. Donc, une espèce de musique techno, rêve. Et donc ça c'est pour Anatole. Moi, dans mon éducation musicale, j'ai connu diverses phases. J'ai grandi en écoutant le rock et le pop des années 60, 70, 80, puis je me suis mis au piano, puis au jazz. Donc c'est plutôt qu'en tant que pianiste jazz que j'ai grandi, c'est là que j'ai appris à lire la musique, les harmonies et ainsi de suite. Et à partir de là, je suis allé à la fac et là j'ai une éducation plus formelle au piano. Donc il y a le répertoire classique, j'ai fait des compositions, de l'orchestration, et puis après je suis allé à San Francisco et là je suis tombé amoureux du drum and bass, une espèce de musique contemporaine et puis le pop contemporain aussi. Donc tout ça c'est en moi, et quand j'écoute de la musique, j'écoute de manière aléatoire. Donc je passe de Mahler à Jimmy Cliff ou John Coltrane, voilà, un peu dans le désordre si vous voulez. Although I know that he is blind, love him, but when the night is over, he is gone. The river's just a river. Without him, the world around me changes. The trees are bare and everywhere, the streets are full of strangers. Le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par David Charles Abel et un extrait des Misérables, la comédie musicale de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil, inspiré bien sûr de l'œuvre de Victor Hugo. C'était Léa Salonga dans le rôle d'éponyme et une chanson intitulée On My Own. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Et pourquoi donc, diffuser un extrait des Misérables ce matin alors que nous rencontrons à New York l'adaptateur de Guerre et Paix en comédie musicale? Tout simplement parce que Dave Malloy fut directeur musical des Misérables. Alors est-ce que cela vous a aidé ou inspiré pour travailler sur l'adaptation en comédie musicale d'une grande fresque comme Guerre et Paix? Les Misérables, c'est de la musique que j'avais vraiment à l'esprit pour The Great Comet. Alors évidemment, ce sont dans les deux cas des romans historiques formidables. Ça se passe à peu près à la même époque, et Les Misérables, c'est le spectacle que moi j'ai vu quand j'avais 10 ans. Ils étaient en tournée, et à l'âge de 10 ans, moi j'ai été complètement époustouflé par ce spectacle, et donc c'est devenu ma comédie musicale préférée. Et j'ai été très influencé par Les Misérables. Et par ailleurs, il y a un des morceaux, On My Own, c'est la grande aria que chante le personnage d'Éponine dans Les Misérables, et ça a évidemment une grosse influence pour moi pour Sonia. Donc, Éponine, c'est un personnage mineur, et au début de l'acte 2, on a cette chanson incroyable. Et Les Misérables, ça fonctionne bien parce que il y a tous ces personnages distincts, et chaque personnage a son grand moment. C'est le cas de Javert, c'est le cas des Thénardier, et on est dans une palette musicale complètement différente. Et moi, j'essaye de faire la même chose dans mon spectacle à moi. Vous voyez, le grand moment de chaque personnage. Donc, c'est la même chose dans Les Misérables et aussi dans The Great Comet, inspiré de Guerre et Paix. Donc, dans Guerre et Paix, il y a l'un de la plus grande palette de personnages de l'histoire de la littérature. Donc, il y a le tsar, Napoléon, il y a le chauffeur de camion. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de tranches de vie dans le roman de Tolstoï et tous ces personnages ont leur style musical propre. C'est ça que j'ai essayé de faire. C'est pourquoi, pour Anatole, j'ai fait de la musique électronique. Pour Sonia, il y a une espèce de chanson folk ballade. Pour Natasha, là, on est dans le registre de Rodgers Hammerstein et ainsi de suite. Thank you. Dave Malloy racontait comment et combien il avait été influencé par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein pour composer sa comédie musicale, actuellement à l'affiche à Broadway, The Great Comet. Et bien voilà, j'avais choisi de vous faire écouter un extrait d'une des grandes comédies musicales de ce duo d'auteurs de l'âge d'or de Broadway. C'était dans Oklahoma, Out of My Dreams, interprété par Josefina Gabriele. C'est extrait de la production du National Theatre à Londres en 1998. Ce qui impressionne le plus, je dois vous dire, vous qui n'avez peut-être pas la chance d'aller évidemment à Broadway, c'est très loin, c'est compliqué, il faut payer les places de théâtre. Ce qui impressionne le plus, et ce qu'on aimerait bien voir en France parfois, c'est dans The Great Comet, le fait que le spectacle immerge complètement les acteurs et les musiciens au milieu des spectateurs. Chacun est branché à un micro et je crois que la console de son comprend plus de 200 entrées. En fait, les acteurs frôlent les spectateurs assis sur la scène ou dans le théâtre. En fait, les acteurs passent de la scène à l'orchestre ou au balcon grâce à des rampes qui ont été installées. Et ce spectacle, Dave Malloy, The Great Comet, faut bien le dire, avant d'être transféré à Broadway, vous l'aviez créé il y a 5 ans dans un tout petit théâtre, comme on dit, off Broadway. Comment elle est née, cette mise en scène très immersive à 360 degrés? Au début, le théâtre était tout petit, 80 places. Et moi, à l'origine, j'ai travaillé dans le théâtre très expérimental, le off-off Broadway. Et j'avais écrit un opéra rock. Et nous avons joué dans un loft à San Francisco et la scène était tellement petite qu'on ne pouvait pas tous tenir là. C'était à la dernière minute et puis une heure avant de commencer, on a pris connaissance des lieux et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sur une scène si petite? Et bien on s'est dit, eh bien on va jouer partout, on va jouer dans le public. Donc le public est arrivé, les gens étaient assis un petit peu partout, ils avaient tous un verre à la main et donc nous on a joué. Et là il y avait un groupe qui faisait de la musique aussi, également parmi le public. Et il n'y avait aucune espèce de barrière physique entre le public et les artistes. On était tous dans la même pièce en train de vivre le même événement. Et cette expérience-là est restée en moi. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de cette expérience immersive. Le public est vraiment présent et à côté des artistes. Et puis ensuite, on a joué dans un casino. Là, il y avait 200 places. Donc, on est parti de ce point de départ. Mais malgré tout, on a quand même voulu faire vivre au public cette expérience d'immersion. Et à Broadway, eh ben alors là, on est avec une capacité de théâtre beaucoup plus importante et on est quand même dans une architecture un peu plus noble. Et à Boston, par exemple, il y a un théâtre de 500 places. Et là aussi, on a lancé l'expérience. On a essayé de voir comment ça pourrait fonctionner. Et entre autres choses, on a mis des estrades dans l'orchestre, là où il y avait le public, et on pouvait aller de la scène vers ces estrades. Donc là, encore une fois, on a brisé les barrières entre le public et les artistes. Le sound design est juste amazing. I mean, really. Yeah, I mean, they actually designed an app just specifically for this show. Donc, il y a une application qui a été conçue pour ce spectacle. En fait, il faut trouver le bon lieu. Il y a quelqu'un qui est côté cour, il y a quelqu'un qui est côté jardin, il faut entendre la voix, et ainsi de suite. Donc, ils ont conçu cette appli. On peut suivre les acteurs sur iPad, donc ils prennent le chemin qu'ils suivent, et évidemment, ils font suivre la bande-son. Donc, on voit les voix se déplacer avec les acteurs. C'est une appli absolument exceptionnelle. Par ailleurs, c'est totalement insensé parce que chaque siège a une expérience sonore différente. Donc, on est dans le sound design. Au balcon, il y a tel ou tel son. Dans l'orchestre, il y a tel ou tel son. À gauche, c'est ceci. À droite, c'est cela. Catch my breath so good for me. Le solo de l'héroïne de guerre et paix, Natasha, interprétée par Donny Benton. No One Else, extrait de The Great Comet, cette comédie musicale de Dave Malloy, inspirée de guerre et paix, actuellement à l'affiche à Broadway. Il s'agit de la première œuvre de ce jeune artiste, compositeur, auteur et interprète. Première œuvre à Broadway, Dave Malloy. Comment est né votre intérêt pour la comédie musicale? I was really just kind of raised on musicals. À vrai dire, je suis tombé dedans tout petit. En famille, nous regardions les comédies musicales à la télé. The Music Man, ça c'était un grand moment. Voilà un film que j'adore. On y trouve la tradition des quatuors masculins. Il y a un morceau d'ouverture qui est formidable. Et tout est parlé en réalité, il n'y a pas de mélodie. C'est que du rythme. Et parce que ça se passe dans un train, donc les passagers du train commencent à se parler, puis à mesure que le train prend de la vitesse, les gens commencent à chanter, donc c'est un précurseur de genre beaucoup plus moderne. Harold Hild joue là-dedans, et c'est le anti-héros par excellence. C'est un serpent, en quelque sorte. C'est vraiment un commercial véreux, douteux, mais il a un cœur d'or, et ça fait un récit absolument génial. J'adore regarder ça. Évidemment, ça repose sur la musique. J'ai adoré ce film. Thank you. United is no good for an ocean salesman. How far are you going, friend? Wherever the people are as green as the money, friend. What's the matter with credit? It's old-fashioned. Charlie, you're an Anvil salesman. Your firm give credit? No, sir. Nor anybody else. River City, next station stop, River City, Iowa. Cash for the merchandise. Cash for the button hooks. Cash for the cotton goods. Cash for the hard goods. Cash for the fancy goods. Cash for the soft goods. Cash for the noggins and the piggins and the frickins. Cash for the hogshead cask and demijohn. Cash for the crackers and the pickles and the fly paper. Look, what do you talk? What do you talk? What do you talk? What do you talk? What do you talk? Where do you get it? What do you talk? You can talk, you can talk. You can bicker, you can talk. You can bicker, bicker, bicker. You can talk, you can talk. You can talk, talk, talk, talk. Bicker, bicker, bicker. You can talk all you want, but it's different than it was. No, it ain't. No, it ain't. But you gotta know the territory. Why, it's the Model T Ford made the trouble, made the people want to go, want to get, up and go. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 23 miles to the county seat. Yes, sir, yes, sir. Who's going to patronize a little bitty 2x4 kind of store anymore? What do you talk? What do you talk? Where do you get it? Gone, gone. Gone with the hogshead cask and demijohn. Gone with the sugar barrel, pickle barrel, milk pan. Gone with the tub and the pail and the tears. Ever meet a fella by the name of Hill? Hill? Hill? Hill? Hill? Hill? Hill? Hill? Hill? No! Just a minute, just a minute, just a minute! Never heard of any salesman, Hill. Now, he doesn't know the territory. Doesn't know the territory? What's a fella's line? Never worries about his line. Never worries about his line. Or a doggone thing. He's just a bang-beat, bell-ringing, big-hole, great-go-neck-or-nothing, rip-roaring, every-time-a-bullseye salesman. That's Professor Harold Hill, Harold Hill. What's a fella's line? What's his line? He's a fake, and he doesn't know the territory. Look, what do you talk? What do you talk? What do you talk? What do you talk? He's a music man. He's a what? He's a what? He's a music man, and he sells clarinets to the kids in the town with the big trombones and the rat-a-tat drums. Big brass bass, big brass bass. And the piccolo with uniforms, too, with a shiny gold braid on the coat and a big red stripe running. Well, I don't know much about bands, but I do know you can't make a living selling big trombones. No, sir. Mandolin picks, perhaps, and here and there a jew's harp. No, the fella sells bands, boys' bands. I don't know how he does it. But he lives like a king, and he dallies, and he gathers, and he plucks, and he shines. And when the man dances, certainly, boys, what else? The piper pays him. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When the man dances, certainly, boys, what else? The piper pays him. Yes, sir. Yes, sir. But he doesn't know the territory. Du rap en 1962 dans une comédie musicale, c'était The Music Man de Meredith Willson, version le film, une discussion qu'a apprécié notre invité Dave Malloy, qui l'a carrément inspiré, une discussion entre commerciaux dans un wagon de train. Voilà, ce matin nous rencontrons à Broadway, vous l'avez compris, le compositeur Dave Malloy, qui a été nommé aux Tony Awards pour la meilleure partition de l'année avec The Great Comet. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Une comédie musicale créée d'abord off-Broadway, vraiment tout petit théâtre, en 2012. 5 ans plus tard, le spectacle arrive à Broadway, mais entre-temps, vous avez continué à écrire. Par exemple, en 2015, Prélude, une fantaisie musicale autour de Sergei Rachmaninov. Mais de quoi s'agit-il ? Rachmaninoff has just always been one of my favorite composers, like as a piano player, like his piano music. J'ai toujours aimé Rachmaninoff. Ses compositions, son jeu, et à la fac, on m'a raconté cette anecdote. Lors de la première de sa première symphonie, c'était un désastre, les critiques ont été féroces, puis il a connu une déprime pendant 3 ans, et puis c'était le problème de la page blanche pour lui, incapable de composer quoi que ce soit. Et puis il a résolu ce problème par hypnothérapie. Il a commencé à avoir un hypnotiseur, imaginé en Russie. L'hypnose, ça en était qu'à ses débuts. Et j'étais très intéressé par cette anecdote. Le morceau qu'il a écrit sous hypnose, c'est son deuxième morceau pour piano et c'est un morceau absolument incroyable. Donc ce morceau-là a été écrit par cette méthode de l'hypnose, ça m'a fasciné. Et je me suis toujours dit que j'allais faire un spectacle là-dessus, mais je n'ai jamais cru que j'en serais capable parce qu'il faudrait quand même trouver le pianiste, un pianiste classique formidable, capable de jouer du Rachmaninoff, notamment sous hypnose, c'est particulièrement difficile. Puis, à ma grande surprise, lors des répétitions de The Great Comet, Notre directeur musical a commencé à jouer des concertos de Rachmaninoff au piano. Et moi, j'ai dit, quoi ? Et il dit, oui, j'adore Rachmaninoff. Je le joue depuis l'école. Ce concerto, je le connais. Et donc, on a commencé à écouter tous les morceaux qu'il pouvait nous jouer. Et je me suis dit, ah, et ben voilà, c'est toi qui vas nous faire ce rôle. Et puis, évidemment, quelques années plus tard, on a pu monter le spectacle. Et c'est lui qui a tenu le rôle. En fait, Rachmaninoff est représenté par deux acteurs. Il y a le pianiste d'une part et il y a le compositeur d'autre part. Donc c'est intéressant aussi du point de vue de la personnalité de Rachmaninoff. Alors vous avez utilisé des morceaux de Rachmaninoff pour composer la partition de cette fantaisie musicale ? Oui, on s'est bien amusé. J'ai fait différentes variations. Pour certains morceaux, on a joué du Rachmaninoff. Et sinon, pour les monologues, par exemple, on pouvait utiliser du Rachmaninoff en toile de fond. Sinon, j'ai pris un des morceaux de Rachmaninoff et j'y ai mis des paroles. Donc, il y a du Rachmaninoff avec mes paroles. Et dans d'autres cas, je prenais des fragments, des petits passages de Rachmaninoff et j'ai brodé musicalement là-dessus. Donc, vous voyez, il y a différentes méthodes musicales, mais c'est à moitié moi et à moitié Rachmaninoff, si vous voulez. Extrait de Prélude, la fantaisie musicale de Dave Malloy qui se déroule dans la tête de Sergei Rachmaninoff. C'était le premier mouvement du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, arrangé par Dave Malloy et interprété au piano par Or Mathias, précédé d'une chanson intitulée Mountains, composée par Dave Malloy et inspirée par une des romances de Rachmaninoff. Dave Malloy, un an plus tôt, en 2014, vous avez également présenté à Brooklyn un autre spectacle. On va en entendre une chanson que je trouve magnifique. Le spectacle s'intitule Ghost Quartet. De quoi il s'agit ? So Ghost Quartet is a show I Ghost wrote Quartet, right after Comet. So je l'ai écrit juste après The Great Comet. Il y a le personnage de Sonia et le personnage de Mary. Ce sont deux comédiennes que je connais depuis très longtemps et je leur ai demandé de jouer dans Ghost Quartet. Dans The Great Comet, elles tiennent des rôles mineurs. Natasha, évidemment, c'est le grand rôle, alors que elles deux, elles ont des rôles mineurs. Mais dans The Great Comet, je me dis, mais ces deux chanteuses-là, elles sont formidables. Il faut absolument que je travaille avec elles à part la suite. C'est ce que j'ai fait. Donc, après The Great Comet, j'ai monté un spectacle avec ces deux actrices et puis il y a une violoncelliste qui intervient. Donc, tous les quatre, nous avons fait Ghost Quartet. Ghost Quartet, c'est un concept album sur l'amour, la mort et le whisky. Et il y a quatre trames narratives qui sont les histoires de fantômes. Il y a deux femmes qui se rencontrent sans arrêt. Il y a différents récits chronologiques. Il y en a une qui assassine l'autre. C'est pas très clair. C'est un petit peu confus. C'est écrit un petit peu comme un album rock, un concept album. Donc les thèmes et les émotions comptent plus que le récit lui-même. Mais il y a quand même ce récit qui couvre sept siècles et ça raconte tout un tas d'histoires différentes. Et vous, vous ne vous arrêtez pas là, si je comprends bien Dave Malloy. Vous êtes en train d'adapter maintenant Moby Dick de Herman Melville en comédie musicale. Ça va sonner comment ? Well, Moby Dick is very much. I mean, in dealing with Moby Dick, we're dealing with like you know what is considered by many people to be the great American novel. Moby Dick, c'est le grand roman. C'est un des grands romans américains. Moby Dick, j'utilise le début du jazz, le ragtime, soul music, la soul, rock and roll, and le rock and roll. Donc, c'est un morceau très long. C'est une pièce assez longue, en quatre actes, ça dure quatre ou cinq heures. Donc, ce n'est pas une comédie musicale en deux actes comme on pourrait s'y attendre à Broadway. C'est un peu plus long que ça. Et on prend le concept de Melville, qui couvre différents genres. Vous savez, il y a le chapitre encyclopédique, il y a un autre chapitre dans Moby Dick qui est une pièce de théâtre. Donc nous, on suit un petit peu le périmètre littéraire de Melville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Britain Ashford. Starchild, extrait de Ghost Quartet, composé par Dave Malloy, Britain Ashford, actuellement à l'affiche de The Great Comet de Dave Malloy à Broadway. Un grand merci à Xavier Combe qui a assuré la traduction de cette rencontre avec Dave Malloy. Je vous propose de refermer ce numéro avec le prologue de The Great Comet à Broadway. There's a war going on out there somewhere, and Andre isn't here. There's a war going on out there somewhere, and Andre isn't here. There's a war going on out there somewhere, and Andre isn't here. There's a war going on out there somewhere, and Andre isn't here. Rastva tri! And this is all in your program. You are at the opera. Gonna have to study up a little bit if you wanna keep with the plot. 'Cause it's a complicated Russian novel. Everyone's got nine different names. So look it up in your program. We appreciate it. Thanks a lot. Da da da da da da da da. Natasha. Moscow. Natasha's godmother strict yet kind. Natasha's godmother strict yet kind. Maria's old school, Sonia's good. Natasha's young and Andre isn't here. And this is all in your program. You are at the opera. Gonna have to study up a little bit if you want to keep with the plot. 'Cause it's a complicated Russian novel. Everyone's got nine different names. So look it up in your program. We appreciate it. Thanks a lot. His money on women and wine. He spends his money on women and wine. Anatole is hot, Maria's old school, Sonia's good, Natasha's young, and Andre isn't here. Lane is a slut, Anatole's sister married to Pierre. Anatole's sister married to Pierre. Lane is a slut, Anatole is hot, Maria's old school, Sonia's good, Natasha's young, and Andre isn't here. Dolokhov is fierce, but not too important. Anatole's friend, a crazy good shot. Anatole's friend, a crazy good shot. Dolokhov is fierce, Elaine is a slut. Anatole is hot, Maria's old school, Sonia's good, Natasha's young, and Andre isn't here. Chandeliers and caviar, the war can't touch us here. Minor characters. Old Prince Bolkonski is crazy. Andre's family, totally messed up. And Balaga's just for fun! Balaga's just for fun! Balaga is fun, Bukowski is crazy, Mary is plain, Dolokhov is fierce, Elaine is a slut, Anatole is hot, Mario's old school, Sonia's good, Natasha's young, and Andre isn't here. What about Pierre? Dear bewildered and awkward Pierre. What about Pierre? Rich, unhappily married. Prologue, le prologue de The Great Comet, la comédie musicale inspirée par Guerre et paix de Léon Tolstoï. Nous étions ce matin avec son compositeur et auteur Dave Malloy. Et la semaine prochaine, dernière escale de la saison à Broadway, nous rencontrerons une star. Si Tony Howard sur sa cheminée quand même. Hein. Audra McDonald, elle nous recevra dans sa loge au Lincoln Center. Merci à Xavier Combes pour la traduction, à Martine Moni pour la préparation de l'émission. Ce matin à la technique à Xavier Atto et à la réalisation à Perrine Mingui. Vos commentaires, vos envies, vos suggestions, vous nous les envoyez en passant par la page de 42e rue sur francemusique.fr ou par Facebook ou sur Twitter, nous sommes tout ouïe. Rideau. Passez un très bon dimanche à l'écoute de France Musique, il est midi. Voici l'heure de retrouver Stéphane Grant.